banlieue, ça va de soi. J'ai une belle femme, un beau bébé et un boulot qui paye bien. J'suis jeune cadre, dynamique, dans une société bien cotée. J'fais grimper la rentabilité, j'travaille à leur bonheur, mais je m'ennuie. Oh, je m'ennuie. Je m'ennuie quand je rentre du boulot et que je viens de virer 50 pecnos. Je me dis que c'est pas ma faute et qu'ainsi va la vie. Bord de la piscine de l'hôtel, le Cuba, ça va de soi. Je regarde passer les films, il faut que je signe un contrat, mais je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie dans cette vie. Je m'ennuie. Un jour j'ai lâché mon boulot, ma famille m'a quitté. On dit de moi que je suis un fainéant, mais je veux plus virer de gens. Maintenant je touche mon RMI, que j'habite un petit meublé auprès de la société pour que je mange et faire ma gueule. Mais je m'ennuie. Oh, je m'ennuie. Je m'ennuie. Dans cette vie, je m'ennuie. Mais je m'ennuie. Oh, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie.